Bonsoir, bonsoir tout le monde. Bonsoir Bruno. En forme? Parfait. Bienvenue à Terra Incognita, votre émission de rock progressif hebdomadaire. Ce soir, on a pas mal de nouveautés. Ça nous vient d'un peu partout, des États-Unis, d'Allemagne, d'Italie, de Belgique. Je pense que... Puis on va finir avec quelque chose, là. On va renouer dans le temps. On va reculer dans le temps. Donc, on commence ce soir avec une formation de Seattle. Automne électrique, c'est leur deuxième disque, Star Being Earth Child. Et on remarque la présence de Johnny Unicorn, claviériste de Fido. Bruno, oui, c'est son nom, Johnny Unicorn. Et puis, ça nous donne une petite idée aussi du son. Je trouve qu'il y a pas mal de liens de parenté avec Fido. Deuxième disque, donc je disais, on va peut-être l'écouter du premier ce soir, mais en tout cas, assurément, on écoute tout de suite du second, le plus récent, là, donc Star Being Earth Child. Installez-vous confortablement, 2 heures de bon prog qui s'en viennent. Thank you. I fear it now. The

keep the gravity. Surely, now. Surely, can't escape the gravity. The coming singularity. Surely, we can't escape the gravity. The coming singularity. Surely. it's something overheard that makes me feel I need a breakdown today. On the pathways to resolution, found the knives of your solutions. What's the deal? Why didn't you just say? On the pathways to resolution, found the knives of your solutions. Guess someone likes it that way. Guess someone likes it that way. CKRL 89.1. Voyager léger, quand on en a lourd sur le cœur. Avoir vu neiger, en cherchant férocement la chaleur. M'en aller sans me protéger, juste un canif, mon corps à vif. Déjà, tout là-bas, sans sortir. Cette soirée vous est présentée par La Barberie. Dix bières bouteilles, huit bières en fût. Dix bières bouteilles, huit bières en fût. Un service casque et un Randall. La Barberie vous propose les bières et tapas, les bières fromage, les dimanches stout et les mardis apportez vos vinyles et plus encore et encore plus. La Barberie, 310 rue Saint-Roch, suivez-nous sur Facebook. Vous êtes détenteur d'une carte de membre de CKRL? Obtenez 15% de rabais chez Vape Classique au 3136 Chemin Royal, Québec. Vapeclassique.com. Choisissez l'alternative au tabac. Choisissez Vape Classique. La carte de membre de CKRL, c'est pratico-économique. Et de retour, ce qu'on vient d'écouter, c'était un Britannique de Dreaming Tree. Je pense que, moi en tout cas, j'ai reconnu un peu la signature là, de Carl Groom des studios Thin Ice, un ingénieur de son qui travaille notamment avec Galahad. Il a le don d'aller chercher les guitares, là, d'aller chercher le gras de la guitare. Et ça porte sa signature, donc, côté réalisation, c'est The Dreaming Tree, Silver Fade, et c'est leur quatrième album. Et tout juste avant, des gars qu'on a eu l'occasion de voir l'année dernière dans le cadre de la convention Terra Incognita, c'est le tout nouveau Third Degree, One and Zeros. Et puis, on avait amorcé avec deux pièces de Autumn Electric. Je vous disais qu'il y avait un claviériste du nom de Johnny Unicorn qui se retrouve aussi au sein du groupe Fido. Et on peut sentir qu'il y a une bonne filiation entre Autumn Electric et Fido. Ça nous vient de Seattle. On continue de cette fois-ci du côté de l'Allemagne avec un monsieur qui se fait appeler T. Thomas Thielen, de son nom. Ancien membre d'un groupe qui avait pour nom Skite. Et lui, il nous arrive avec son cinquième album. Et puis la particularité, c'est qu'il fait tout entièrement. Compo et enregistrement. Il joue de tout. Donc, un homme orchestre, mais ça paraît pas. Moi, en tout cas, je pense, là. Vous allez peut-être me dire que je me trompe, mais j'ai pas l'impression, quand j'écoute ses disques, là, qu'il est absolument seul à tout faire. Donc, chapeau à M. Thomas Thielen, qui nous présente son cinquième album, qui a pour nom Fragmentropy. On écoute, donc, M. T. Non, excusez, je pense qu'il l'aimerait pas, celle-là. Donc, et vous êtes à l'écoute de CKRL 89.1. C'était Incognita avec Michel et Bruno jusqu'à minuit. Bye. too tight. The dryness in our mouths like new moonshine. And all we got was older and cage and pacify. Shadow you call me. resentment? Are we Nash or Pareto? Debrave me from waiting and sail me through the clouds on our heartbeat's timeline. Satisfy your need, and I worked it, and I worked it. true. It hurts me too. I go into reverse obsession, regression. My passion occurs. This can't be true. This can't be true. It hurts me too. It hurts me too. I go into reverse obsession, regression. My passion. Avec Racine Musicale, l'été, c'est reggae. Yes, I am. Reggae is the voice of the people. Tous les dimanches en sac à 7 ensoleillé, seulement sur CKRL 89.1 et à la Barberie. So let us embrace roots reggae music. Écoute ça. Cultive tes goûts avec Bigou et Selecta Jalabaman. Oh, ja. Et de retour. Donc, ce que vous avez entendu hein, tout juste avant les messages, c'était Delirium, un groupe italien qui, mon Dieu, c'est, ils ont été actifs au début des années 70. Après ça, il y a eu une période un peu d'accalmie. Et là, ils nous reviennent, mon Dieu, depuis, je vous dirais, c'est peut-être 7 ou 8 ans. Là, ils sont assez constants. Et l'extrait qu'on a écouté, c'est celui de... Attendez un peu, j'essaie de le lire. Est-ce que quelqu'un va me croire? Mais j'ai la misère à me relire. L'Era della Manzogna. Donc, c'est le plus récent Delirium, groupe italien. Avec, entre autres, Martin Grice au sax, qu'on a eu le bonheur de voir il y a quelques années à la convention avec Fabio Zuventi. Et puis, tout juste avant, on avait un groupe allemand, Seven Steps to the Green Doors. un groupe allemand. Je pense qu'il y a, entre autres, il y a un membre du groupe Toxic Element ou Toxic... mon Dieu, je le sais. Il faudrait que j'écrive mieux. Ça n'a pas de bon sens. Et il y avait des invités sur ce disque-là, dont Daniel Mash, un ex-musicien de Tangent, qu'on a eu, et encore une fois, l'occasion de voir à Québec dans le cadre de la convention. Et on avait même eu l'occasion de le voir vraiment briller parce que le claviériste Andy Dillison avait eu des problèmes et lui et son compère s'étaient mis à jammer et c'était vraiment de toute beauté. Donc, Daniel Mash à la basse et Steve Onuru, un Américain qui, ma foi, là, est partout. Là, on le retrouve, c'est entre autres dans Samurai of Prague et là, on le retrouve ici dans Seven Steps to the Green Doors. Et puis, on avait amorcé avec T, le cinquième disque de Thomas Thielen, le multi-instrumentiste. Et comme je disais tantôt, là, c'est Framantropy. C'est M. Thielen qui fait absolument tout, de la composition à l'enregistrement et tous les instruments. C'est un petit peu le Prince du prog. Et c'est vraiment le chapeau parce que c'est un album intense et avec des moments plus calme, là, mais ça prend deux, trois ans à enregistrer un disque de même tout seul, ça, sans l'ombre d'un doute. On va aller faire un petit tour. Je vous parlais de la Belgique au début. On est arrivé, donc ça va être Fish for Friday de leur troisième disque. Et c'est le titre, c'est Godspeed. Si il y a des groupes qu'on peut catégoriser, là, bon, on peut dire ça sonne Porcupine Tree, ça sonne Genesis, ça sonne Pink Floyd, eh bien Fish for Friday, ben ça sonne Alan Parsons et puis Alan Parsons Project, vous allez vous en rendre compte, c'est vraiment soigné, sophistiqué, les vocaux, le chant, excusez l'anglicisme, le background, on va dire les chœurs sont vraiment c'est encore une fois aussi c'est des heures et des heures de studio. Donc, on amorce avec Fish on Friday, Godspeed. Le temps de vous rappeler que c'est Terrain Incognita avec Bruno et Michel. On est avec vous jusqu'à minuit. Et évidemment, c'est sur les ondes de CKRL 89.1.

treasure lay, and the bathtub has become the seven seas. Tigers turn to butter in the jungle far away, and the monkeys sing their songs up in the trees. Open up the toy box, open up your mind, 'cause anything could happen in this place. Take a step inside. The mountain peak, our enemy so near but not yet seen. Will you find the courage and the guidance that you seek? Is this real life or is this just a dream? march through the streets. Thanks for the day, our mission. La soirée vous est présentée par La Barberie. Dix bières bouteilles, huit bières en fût. Dix bières bouteilles, huit bières en fût. Un service casque et un Randall. La Barberie vous propose ses bières et tapas, les bières fromage, les dimanches stout et les mardis apportez vos vinyles et plus encore et encore plus. La Barberie, 310 rue Saint-Roch, suivez-nous sur Facebook. Cet été au Bal du Lézard, il fera chaud, très chaud. Du lundi au dimanche de 14h à 19h, le Bal vous propose son spécial sur les bières importées et de microbrasseries québécoises. Nos 5 à 7 étonnants sur les bières canadiennes standards et le vin. Nos fameux 2 pour 1 tous les jours de 21h30 à 22h et de 23h30 à minuit. Chaque mardi dès 17h, le Bal vous invite à son célèbre barbecue festif. Alors qu'attendez-vous? Venez vous désaltérer. Le Bal du Lézard, 1049 3e Avenue, lebaldulezard.com. Salut Daran de Daran et les Chaises, de passage à Québec, il en a marre de dormir dehors, alors il est venu ici à CKRLMF 89.1, accueillir virgule. D'accord. Chez nous autres, on dit point. En fait, on dit virgule pour les chiffres, mais on dit point pour les radios. Une autre inspiration. Vous êtes à l'écoute de CKRLMF 89,1 et devinez qui c'est qui vous parle, Daran de Daran et les Chaises. En personne. Je ne veux pas m'endormir, faire semblant d'obéir aux mensonges millionnaires, cuisine équipée. C'est la dernière demi-heure qui s'amorce. On a écouté dans la dernière demi-heure Vermilion Sky, un groupe ontarien. Mine de rien, les Ontariens commencent à être assez actifs. Le Drogfarben, Machine Dream, Vermilion Sky. Il commence à se passer quelque chose de... Bon, peut-être pas jusqu'à dire que c'est un mouvement, mais enfin, c'est intéressant de voir que ça commence à bouger pas mal du côté de nos voisins de l'Ontario. Et avant, on avait écouté Tiger Moth Tales, un projet britannique. En fait, le musicien derrière Tiger Moth Tales, c'est Peter Jones, un multi-instrumentiste aveugle quasiment depuis sa naissance. Et on voit que Monsieur Jones a écouté pas mal de Genesis, ça se sent. Et d'ailleurs, j'ai lu une entrevue un moment avec où il disait que son mentor et son idole, c'est Steve Hackett, personne n'en doute. Donc, Tiger Moth Tales, et on avait amorcé le tout avec Fish on Friday, formation belge, en fait, qui était un duo pour les deux premiers disques. Et avec le dernier, Godspeed, ben, il y a plusieurs membres qui sont, trois membres qui se sont joints au groupe pour former un groupe finalement, dont le bassiste Nick Beggs, qu'on a pu voir aux côtés de Steve Hackett et aussi de Steven Wilson. Donc, je ne sais pas si Fish on Friday a des plans de tournée, mais enfin, Nick Beggs a l'air de faire partie maintenant officiellement du groupe. Et je pense que le tandem belge ne s'en plaindra pas, assurément. Et je disais tantôt dernière demi-heure, et c'est effectivement dernière demi-heure. On y va donc avec une formation suédoise. C'est leur deuxième essai. J'appelle un prog psychédélique. Je pense que c'est à peu près l'appellation qui cerne le mieux leur production, dont Agusa. Et pas un gros effort, par contre, pour côté titre, c'est Agusa 2. C'est leur deuxième disque. Et ça va suivre, on va faire suivre. En fait, on va plutôt comme unir cette pièce d'Agusa 2 avec. Là, on recule dans le temps. Là, c'est un clin d'œil à l'autoroute. C'est un groupe montréalais. En fait, le disque est paru en 1971. Ça a passé un peu, comme on dirait dans le bar, man-made. Et c'est ce qui va conclure. Donc, je vais essayer de faire comme une longue pièce avec ces deux pièces-là. Donc, bonne écoute. Et puis, ben, on vous revient tantôt. C'est Terra Incognita avec Michel et Bruno. C'est toujours à CKRL 89.1. Thank you. Thank you.

bien, c'est déjà le temps de vous dire à la prochaine. C'était Michel et Bruno depuis 22h, 10h. Et juste pour vous dire ce qu'il a joué dans la dernière demi-heure, il y avait, c'est ce qu'il joue d'ailleurs encore, un groupe montréalais, un seul disque paru en 1971, Man-Made. Et le coup d'envoi, c'était Agusa, un groupe suédois qui vient tout juste de lancer un second disque, Agusa 2. Donc, un mélange de psychédélique, de prog, il y a eu un soupçon de folk aussi. Restez des nôtres, c'est l'autoroute dans quelques instants avec Stéphane, et moi je vous dis à la semaine prochaine. Cet été, chez Contact Musique, c'est la saison des rabais. En vue de la fermeture du magasin, la plupart des articles sont en liquidation. Toutes les partitions et les CD sont à 33 % de rabais. Vous êtes à la recherche d'un instrument ou simplement à l'affût des aubaines? Venez chez Contact Musique et profitez des meilleurs prix en ville. Une seule adresse. Contact Musique, 578 rue Saint-Jean au centre-ville de Québec. 88 524 0444. Cette soirée vous a été présentée par La Barberie. Racine musicale. Avec Racine musicale, l'été, c'est reggae. Yes, I am. Reggae is the voice of the people. Tous les dimanches en 5 à 7 ensoleillés, seulement sur CKRL 89.1 et à La Barberie. So let us embrace roots reggae music. Écoute ça. Cultive tes goûts avec Bigou et Selecta Jalabaman. Oja. Vous écoutez CKRL 89.1 Québec. Par tout ce que l'on craint, par tout ce qui demeure, on est ce qu'on retient de nos erreurs. Toute expérience doit être reproductible, mais toute expérience n'atteindra pas sa cible. Et bien que déconstruite et bien que vérifiable, certaines expériences sont inévitables.